un pardon. Trop jeune ou trop fou, tu es passé sous les roues. Petit chien noir, petit chien noir, petit chien noir. Fais attention.